Chapitre 16e, d'une pierre deux coups. Edmond s'effondra dans son large fauteuil de cuir, comme un grognard revenant exténué de la campagne de Russie. D'un geste là, il posa son verre de cognac fine Napoléon sur la table basse, avant de dénouer son écharpe dans un soupir appuyé. Face à lui, Victor savourait une Corona, appréciant la fraîcheur piquante de la bière, presque insolente, dans ce cadre feutré. Chaque gorgée portait un goût d'évasion, une simplicité qui tranchait avec le luxe ambiant. Le silence pesant s'étira encore, jusqu'à ce que Edmond, dans un énième soupir, le brise presque imperceptiblement. Victor alors murmura d'un ton respectueux, « Alors, baron, ce rendez-vous avec le président du club de football était-il concluant ?» Edmond grogna, un mélange de frustration et de lassitude. « Concluant, pas le moins du monde. » Ce type m'a gratifié de son plus beau sourire focus et m'a dit, droit dans les yeux, « Vous savez que je vous estime beaucoup, monsieur le baron, mais la mairie, c'est notre principal soutien financier. Et puis, à titre personnel, Jacques sponsorise les maillots de l'équipe première avec son garage. Alors, vous comprenez ?» Victor inclina légèrement la tête, comme pour saluer l'adresse du propos. « Voilà un maire qui sait ménager ses soutiens. » Edmond leva son verre avec un soupir amer, avant de le vider d'un geste brusque. « Ménager, il les hypnotise, oui, ce fouillot, toujours à jouer les patrons modèles, comme s'il passait encore ses journées à réparer des moteurs. Mais ça marche. Tout le monde est fasciné par son numéro. Ils oublient qu'il vit comme un prince avec la fortune de sa femme. » Victor posa son verre, ses doigts pianotant doucement sur le bord. Il écoutait, attentif, tout en laissant à ses pensées le soin d'analyser chaque mot. « Peut-être que c'est justement ce mélange qui plaît. » répondit-il d'un ton neutre, un homme simple qui a su réussir tout en restant proche des gens. C'est une histoire que beaucoup veulent entendre. Edmond secoua la tête, un rire amer échappant à ses lèvres. Une histoire, oui, mais un conte pour enfants. Fouillot est aussi proche du peuple qu'un roi mérovingien l'était de ses serfs. Tout ça, c'est une façade, rien de plus. Victor inclina légèrement la tête, une expression neutre sur le visage, comme s'il reconnaissait le point de vue du baron, sans pour autant y adhérer pleinement. Peut-être, mais il faut lui reconnaître une certaine habileté. Peu importe que ce soit sincère ou non, ce qui compte, c'est ce que les gens choisissent de croire. Le baron grogna de nouveau, sa frustration teintée d'un agacement résigné. Ce qui m'en fout, c'est qu'il arrive à hypnotiser tout le monde avec sa success story à la Bernard Tapie, un ancien mécano devenu maire modèle, qui fait croire qu'il est toujours des leurs, alors qu'il nage dans le luxe. Moi, je ne me cache pas derrière des artifices. » Victor, toujours calme, garda un instant le silence avant de répondre. « C'est justement pour ça que vous êtes respecté, baron. Vous êtes un homme droit, sans détour. Et peut-être que parfois, cette droiture est votre meilleure arme. Laissez les illusions à ceux qui en ont besoin. Le temps a une façon curieuse de révéler les vérités. » Edmond haussa les épaules, exaspéré. « Vous êtes toujours plein de bons mots, Victor. Mais le problème reste le même. » Tant que ce fouillot pourra jouer les chevaliers du peuple, on ne pourra pas le déloger. » Victor esquissa un sourire discret, presque imperceptible. « Vous savez bien, baron, les masques finissent toujours par tomber. Il suffit d'un détail mal maîtrisé, d'un mot de trop, et l'histoire change. » Un silence s'installa, rythmé seulement par le tic-tac de la pendule ancienne. Edmond, le regard sombre, reprit après un moment, comme si une pensée lui échappait presque. À moins qu'il ne fasse une crise cardiaque ou qu'il finisse en prison, je ne vois pas comment on peut le battre. C'est couru d'avance. » Victor, droit comme à son habitude, hocha doucement la tête. Ses yeux se firent plus perçants, bien que son expression restât neutre. « Voilà qui n'est pas si simple, » concéda-t-il. « Mais, baron, la politique est un jeu de possibilités. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ?» Edmond haussa les épaules, accablé. « Il faudrait un miracle, un coup de pouce du Très-Haut, » déclara-t-il, en levant l'index vers le ciel d'un geste appuyé. « Il n'y a que ça qui pourrait nous sauver. » Victor hocha encore la tête, affichant cette sérénité imperturbable qui le caractérisait. « le Très-Haut, » songea-t-il, un sourire fugace effleurant ses lèvres. Une idée fulgurante et résolument terrestre venait de s'imposer à lui. « Parfois, baron, les miracles ne sont rien d'autre que l'art de saisir le manteau de la Providence au moment où il passe à votre portée. » Edmond, absorbé par ses propres frustrations, ne perçut ni le sous-texte de cette phrase, ni le léger sourire qui jouait sur les lèvres de Victor. Ce dernier, le regard perdu dans l'obscurité de la fenêtre, semblait déjà élaborer des idées que lui seul pouvait comprendre. Jacques Fouillot, maire de Bellême, était un homme aux multiples facettes, aussi habile à serrer un écrou avec une clé dynamométrique qu'à serrer les mains de ses concitoyens sur le marché hebdomadaire. En semaine, on le voyait en bleu de travail taché d'huile, une lampe de poche dans une main, réglant un différentiel ou échangeant des blagues avec un client. Mais dès qu'il endossait son rôle de maire, il opérait une métamorphose. Vêtu d'un costume impeccablement taillé, sa cravate nouée avec soin, il incarnait l'homme public moderne, prêt à défendre les intérêts de sa petite ville avec l'ardeur d'un tribun. Originaire de Bellême, il connaissait chaque rue, chaque pierre et surtout chaque habitant. Ses racines étaient profondément ancrées dans cette terre où ses ancêtres, modestes paysans, avaient autrefois travaillé sous les ordres de la Modiquière. Cet héritage, loin d'être un fardeau, était devenu le moteur de son ambition. « Moi, je suis né ici et je sais ce que ça veut dire. Travailler dur », aimait-il rappeler, d'un ton mêlant fierté et défi. Sa maxime favorite, remettre l'église au milieu du village, traduisait son credo, redonner le pouvoir au peuple et confiner la noblesse à ce qu'il considérait comme sa juste place dans les livres d'histoire ou les contes de fées. Le garage de Fouillot, adossé à une élégante maison bourgeoise, témoignait de cette dualité entre modestie et ambition. L'édifice, construit en pierre de taille calcaire, s'élevait sur deux niveaux coiffés d'un toit à quatre pans, ses façades symétriques percées de fenêtres semblables à des lanternes, laissaient filtrer une lumière douce et diffuse. Mais c'était le jardin qui captait l'attention. Véritable écrin de verdure en pleine ville, il regorgeait d'érables majestueux, d'ifs imposants et de fruitiers dont les branches ploient sous des récoltes généreuses. Non loin, un potager impeccablement entretenu jouxtait une petite serre vitrée où de jeunes pousses prospéraient. Des parterres de roses, de lavandes et d'autres fleurs embaumaient l'air d'un parfum apaisant. C'était là, à l'ombre d'un grand if, que Fouillot aimait recevoir ses invités. Que ce soit autour d'une discussion animée sur la mécanique ou d'un débat passionné sur la politique, il combinait charme et conviction pour allier son auditoire. Mais derrière cette simplicité apparente se cachait un stratège redoutable, bien plus ambitieux qu'il n'y paraissait. Fouillot ne se contentait pas du discours, il agissait. Sous son mandat, Bellême avait vu son terrain de football modernisé, ses rues rénovées, son patrimoine restauré. Ce pragmatisme, couplé à une disponibilité constante, avait cimenté sa popularité. Il savait décrocher une subvention en un temps record, arbitrer un conflit de voisinage avec une diplomatie consommée, ou répondre aux doléances de ses administrés avec une efficacité redoutable. Peu à peu, il avait réduit son opposition municipale à néant. Son franc-parler séduisait, mais ses piques acérées envers l'aristocratie locale, et notamment les Lamodiquières, faisaient mouche. Ces nobles-là, ils servent à quoi, aujourd'hui? À jouer au chevalier en carton-pâte pendant les médiévales de la Herse? Ironisait-il souvent, non sans un sourire narquois. Cette attitude renforçait son image d'homme du peuple en croisade contre les privilèges d'un autre âge. Cependant, Fouillot ne se limitait pas à ses provocations publiques. Derrière le maire accessible et pragmatique se trouvait un fin tacticien. Ni tout à fait un saint, ni une crapule assumée, il avait patiemment tissé un réseau d'alliances discrètes, au gré de promesses implicites et de décisions stratégiques. Il maîtrisait l'art de devenir incontournable sans en avoir l'air. Pour Victor, Jacques Fouillot représentait un adversaire redoutable. Avec son charisme, son pragmatisme et ses ambitions qui dépassaient largement le cadre de Bellême, il incarnait un rival digne d'un duel. Mais, comme tout adversaire, il avait une faille. Et Victor, patient et méthodique, savait que même la cuirasse la mieux forgée finit par révéler ses défauts. Victor n'aimait pas laisser de place au hasard. Aussi, lorsqu'il confiait la mission au frère Taburet, il s'assura que chaque détail soit minutieusement planifié. Mathieu et Mathias, rouquins identiques jusqu'à leur manière de froncer les sourcils, étaient ses hommes de confiance et jamais ils ne lui avaient fait défaut. Leur expertise allait bien au-delà de leur talent de bricoleur ingénieux ou de logisticien discret du trafic d'amphétamines. Ils excellaient dans l'exécution des plans d'Avron, même les plus tordus, avec une précision implacable, ne laissant derrière eux qu'un terrain impeccablement nettoyé, dépourvu de la moindre trace compromettante. L'objectif est simple, expliqua Victor, pointant des emplacements précis sur un schéma du garage étalé devant eux. Vous déposez un peu de résine de cannabis par ici, une pincée de Bouddha Blue par là, et pour couronner le tout, du PTC dans un endroit bien visible, mais pas trop évident non plus. Le message doit être clair. La base opérationnelle de la Mocromafia dans le Perche, c'est ici. Mathias haussa un sourcil intrigué. Le PTC de Carothers. Ce n'est pas un peu trop. Victor esquissa un sourire. Juste assez pour faire monter la mayonnaise. Rappelez-vous, nous ne jouons pas pour convaincre Fouillot, mais pour impressionner ceux qui trouveront tout ça. Pendant que les frères Taburet peaufinaient les derniers détails de l'opération, Victor finalisait la mise en scène avec Mouloud Mansouri. Surnommé le titan de l'Atlas, fugitif international et figure incontournable de la Mocromafia dans le 93, Mouloud avait répondu à l'appel de Victor dès qu'il avait appris qu'Interpol resserrait à nouveau son étau autour de lui. Sa présence était indispensable pour assurer le bon déroulement de la machination que Victor ourdissait ainsi que la crédibilité nécessaire à son succès. « Toi, tu as le rôle clé, » expliqua Victor, son regard perçant rivé sur Mouloud. « Tu arrives, tu joues le client ordinaire, mais tu t'intéresses à la plus grosse voiture de la concession. » Pose des questions, discute avec le vendeur et à la fin demande à voir le patron pour finaliser l'achat. Mouloud resta impassible, son visage figé dans une neutralité presque intimidante. Victor poursuivit, imperturbable. Et là, je sors une mallette de billets. Pas un sac plastique ni une enveloppe, un vrai attaché case. Tu le poses sous le nez de Fouillot, comme un homme d'affaires pressé qui n'a pas de temps à perdre avec des virements bancaires. Ce qui compte, c'est l'effet que ça produit. « Et si le gars mord à l'hameçon ?» demanda Mouloud, d'un ton égal, sans scier. Victor esquissa un sourire froid. « Alors tu utilises un kit de faux papiers, un permis bidon, un justificatif d'adresse bricolée, Saint-Denis, Barbès, peu importe. Avec 50 000 € en cash et des documents qui semblent en règle, il te fera la carte grise sans broncher. Et pour nous, 50 000 balles, c'est des queues de cerises. » Mouloud hocha lentement la tête, sa carrure massive et son regard glacial inspirant un respect mêlé d'inquiétude. « Compris, » lâcha-t-il d'un ton grave. Victor se tourna vers Mathias et lui tendit un téléphone équipé d'un objectif longue portée. « Toi, ton job, c'est de capturer les moments clés. » Fouillot et Mouloud, devant un capot ouvert, l'air concentré. Une poignée de main, un sourire entendu, ce genre de cliché vaut toutes les preuves du monde. Le jour convenu, les frères Taburet se présentèrent au garage Fouillot, prétextant la révision de la répareuse. L'imposant engin agricole, avec ses bras articulés et sa structure massive, occupait une bonne partie de l'espace de l'atelier, offrant une diversion parfaite. Tandis que le mécanicien s'appliquait à examiner la machine, les jumeaux s'activèrent avec une précision remarquable. Mathieu, avec sa gouaille naturelle, captivait un jeune mécano en détaillant les subtilités du maniement d'une épareuse. Gesticulant pour appuyer ses propos, il décrivait avec précision les difficultés rencontrées dans un petit chemin bordé de haies épaisses, la nécessité de maintenir un équilibre parfait pour éviter d'endommager l'outil ou de déraper sur des sols instables et l'important de surveiller les lames et les moteurs hydrauliques avant qu'un problème ne survienne. Vous voyez, avec les moteurs hydrauliques, faut pas attendre la panne. C'est comme pour les lames, toujours un œil dessus, sinon ça peut finir mal. » Le mécanicien, visiblement fasciné par ce mélange d'humour et de détails techniques, opinait avec enthousiasme, totalement absorbé par les explications de Mathieu. Pendant ce temps, Mathias, méthodique et discret, s'activait à truffer le garage. Entre deux caisses d'outils, il glissa un sachet de Bouddha Blue soigneusement emballé. Derrière une armoire métallique, une petite plaquette de résine de cannabis trouva sa cachette. Plus loin, il plaça une fiole de PTC dans un placard à produits chimiques, dissimulé parmi les solvants et huiles de moteur. Sous une pile de pneus, il déposa un sachet d'amphétamine et quelques cristaux de méthamphétamine furent dispersés dans une boîte de boulons laissée ouverte. Chaque geste était précis, calculé pour donner l'illusion que le garage était une base logistique active de la Mocromafia. Pendant que Mathieu monopolisait habilement l'attention, Mathias, invisible, tissait les chevaux de leur plan avec une détermination implacable. À son tour, Mouloud entra dans le garage, arborant un blazer Cherouti parfaitement ajusté, une chemise blanche Harvey et des chaussures Berluti impeccablement cirées. Son allure, élégante sans être ostentatoire, était calculée pour capter l'attention tout en évitant d'éveiller le moindre soupçon. Il traversa d'un pas assuré le showroom, où plusieurs modèles étincelaient sous les néons, et repéra rapidement une banque d'accueil suivie d'une rangée de petits bureaux vitrés. Derrière ces cloisons, les vendeurs s'affairaient, certains plongés dans des documents, d'autres en pleine discussion avec des clients. Mouloud Mansouri s'approcha d'un bureau libre où un vendeur releva la tête de son écran. Avec une assurance mesurée, il prit place dans le fauteuil face à lui et lança d'un ton faussement détendu. « On m'a dit que vous aviez de bonnes occasions ici. Je cherche une familiale robuste, mais discrète. » Le vendeur, un homme jovial dans la trentaine, répondit avec professionnalisme. « Bien sûr, vous avez une gamme de prix en tête ?» Mouloud esquissa un sourire maîtrisé. « L'argent n'est pas un problème. Montrez-moi ce que vous avez de mieux. » Ravi par cette réponse, le vendeur hocha la tête avec énergie. « Vous êtes au bon endroit, monsieur. Nous avons justement un Space Tourer noir en parfait état. Suivez-moi, je vais vous le montrer. » Mouloud le suivit jusqu'au véhicule, jouant son rôle avec une aisance déconcertante. Il posa des questions techniques, inspecta le moteur avec un regard critique et ponctua ses observations de commentaires sur la consommation et la tenue de route. « C'est exactement ce que je cherchais, » déclara-t-il soudain, avec un enthousiasme calculé. « Je le prends, et je paye tout de suite, en liquide. » Le vendeur, visiblement pris au dépourvu, cligna des yeux avant de retrouver son sourire professionnel. « Pour un paiement de ce type et pour un tel montant, je vais devoir en référer à mon patron. Attendez ici, j'ai appelé M. Fouillot. » Quelques instants plus tard, Jacques Fouillot apparut, toujours tiré à quatre épingles dans son costume bien ajusté. Il s'approcha avec une énergie cordiale, bien qu'un brin méfiant. « On m'a dit que vous seriez intéressé par ce Space Tourer, » dit-il avec un sourire poli. « Effectivement, » répondit Mouloud, en ouvrant une valise garnie de billets, bien en vue. « Pas besoin de financement, pas besoin de tergiverser, je règle en espèces et dès aujourd'hui. » Fouillot, légèrement surpris par la scène, conserva une façade impassible. Tout en posant quelques questions de routine, il jeta un regard furtif sur le contenu de la mallette. « C'est peu commun, » admit-il avec une pointe de prudence, « mais tant que vos documents sont en règle, je n'y vois pas d'objection. » Pendant ce temps, Mathias, dissimulé derrière une pile de pneus, capturait discrètement la scène sous plusieurs angles. Chaque photo correspondait exactement à ce que Victor avait imaginé. Mouloud, imposant et sûr de lui, tendant la mallette d'un Fouillot concentré, le tout encadré par le coffre ouvert du Space Tourer. Au terme de la transaction, Mouloud referma la mallette avec un claquement sec et lança d'un ton glacial. « Si on est d'accord, je passe le récupérer le week-end prochain. Vous pouvez accélérer la carte grise. On doit descendre au bled avec les enfants. » Fouillot hocha la tête, retrouvant son sourire professionnel. « Pas de problème, monsieur. » Se tournant vers son vendeur encore éberlué par la vision de la mallette pleine de billets, il ajouta avec un calme étudié « Nous ferons plus vite. » Lorsque les frères Taburet quittèrent le garage, tout était en place. De la drogue savamment disséminée aux photos méticuleusement prises, chaque détail renforçait la machination. Pour Fouillot, c'était une excellente journée. Une monte en liquide, dont il comptait discrètement soustraire 10 000 euros du livre de compte de la concession, ni vu ni connu, et une réparation de routine en prime. Pour Victor, c'était une toile d'araignée, soigneusement tissée, chaque fil tendu à la perfection, prête à se refermer au moment opportun. Gert Van de Put, installé dans son bureau d'Interpol à Lyon, feuilletait machinalement un dossier lorsqu'une enveloppe épaisse glissa sur son bureau. Expédiée anonymement mais adressée officiellement à son attention, elle n'aurait dû être qu'un envoi de routine semblable à tant d'autres qu'il recevait régulièrement, souvent sans grande importance. Cependant, dès qu'il la prit en main, quelque chose attira son attention. Le poids inhabituel de l'enveloppe, la rigidité du contenu et en l'ouvrant, la netteté troublante des clichés qui en dépassaient légèrement. À l'intérieur, des photos d'une clarté presque dérangeante. Jacques Fouillot, maire de Bellem, échangeant avec Mouloud Mansouri, pilier notoire de la Mocro Mafia. Le lieu de la rencontre était sans ambiguïté, le garage de Fouillot. L'objet de leur discussion semblait tout aussi explicite, une valise entrouverte, débordant de liasses de billets. Pris sous plusieurs angles, les clichés laissaient peu de place à l'interprétation. Mais ce n'était pas tout. L'enveloppe contenait également un rapport précis et méticuleux, accompagné de pages, visiblement arrachées à un carnet. D'un seul coup d'œil, Van de Put reconnut l'écriture nerveuse et heurtée de Carvers, son ancien collègue, aujourd'hui interné dans un asile d'aliénés. Ses pages avaient-elles été dérobées ou simplement récupérées dans un dossier oublié? La question demeurait secondaire pour l'instant. Ce qui comptait, c'était le contenu, accablant. Selon les documents, le garage Fouillot n'était pas seulement le théâtre d'un échange isolé, mais bien une base logistique de la mocromafia dans le Perche. On y entreposait et distribuait résine de cannabis, Bouddha Blue et même le fameux PTC, la dernière drogue de synthèse en vogue. Bande de putes se redressa lentement, les yeux fixés sur les images. Il scrutait chaque détail avec une intensité presque clinique, son visage figé dans une expression indéchiffrable. La précision du dossier aurait dû éveiller ses soupçons. Trop documenté, trop impeccable, mais l'opportunité qu'il entrevoyait éclipsait ses doutes. « Ce dingue de Carovers, » murmura-t-il, son regard s'attardant sur une photo Fouillot et Mouloud, penchée sur un coffre entrouvert, semblait plonger dans une discussion complice. Une fois encore, il l'avait vu juste, mais agi de travers. Pour 22 putes, l'opération coup de poing qu'il avait planifiée pour neutraliser le grossiste de la mocromafia dans le Perche n'était pas qu'une simple descente. C'était une mission presque sacrée. Faire tomber un maire prétendument irréprochable, c'était à ses yeux rendre un service inestimable à la société. Il n'éprouvait aucun regret à l'égard de Carothers. Pourtant, il devait admettre que l'intuition de son ancien collègue avait été, une fois encore, d'une redoutable acuité. Manifestement, l'archiviste n'avait simplement pas eu le temps de remonter jusqu'à celui qui tirait les ficelles dans l'ombre, Jacques Fouillot. Le notable, visage rassurant, maire modèle et pilier respecté de sa communauté, s'avérait surtout être un baron de la drogue notoire. Sans perdre un instant, Bande de putes compila les éléments dans un dossier, apposa la mention priorité 1 et convoqua son équipe pour une réunion d'urgence. « Descente prévue vendredi matin à 6h30 », annonça-t-il d'un ton neutre, presque clinique. « Coordination avec la gendarmerie locale et une brigade cynophile. Chaque recoin du garage devra être fouillé. Rien ne doit nous échapper. Perquisition au domicile du suspect dans la foulée, arrestation immédiate à la moindre preuve matérielle tangible. » Pour 22 putes, cette opération représentait bien plus qu'une simple mission. C'était une occasion rare de démontrer sa valeur, de prouver qu'il était un homme de terrain capable de réussir là où tant d'autres avaient échoué. Et lui le premier par le passé. Une petite voix intérieure murmura néanmoins une vérité mordante. Carvers voyait des complots partout. Et pourtant, cette fois, il avait raison. Alors qu'Interpol mettait ses ressources à sa disposition, Bande de putes s'attela aux derniers détails de l'opération. Il relut le dossier une ultime fois, s'arrêtant longuement sur une photo de Jacques Fouillot, concentré, apparemment irréprochable. Un maire modèle qui est en réalité le cerveau d'un trafic international. Quel pourri ! Lâcha-t-il dans un murmure glacé, un sourire froid effleurant ses lèvres. Mais il n'oubliait pas les mots de Jorgensen, son supérieur direct. Il n'avait pas le droit à l'erreur. L'échec n'était pas une option. S'il se plantait, il savait que son sort pouvait s'avérer bien pire que celui de Carothers, confiné à jamais dans un asile. La descente serait méthodique, précise, implacable, tout comme Gerd Bande de Pute lui-même. Vendredi matin, 6h30, Bellem, habituellement plongé dans le calme matinal, fut brutalement réveillé par l'arrivée d'un convoi impressionnant. Plusieurs véhicules noirs d'Interpol, flanqués de fourgons de gendarmerie, dévalèrent la grande rue, sirène éteinte, mais imposant gyrophare illuminant la façade de l'église. Gerd Bande de Pute, installé sur le siège passager d'un des SUV, observait la scène avec un mélange de concentration et de satisfaction. Tout avait été minutieusement orchestré. La coordination avec la gendarmerie locale, le rôle des brigades cynophiles, jusqu'à l'encerclement du garage, rien n'avait été laissé au hasard. À l'entrée du garage, Cornec, chef de la gendarmerie locale, ajustait nerveusement son képi tout en observant le déploiement impressionnant des véhicules d'Interpol. « Vous êtes sûr qu'on ne va pas un peu loin ?» demanda-t-il, sceptique, en désignant d'un geste les SUV noirs alignés comme pour une opération antiterroriste. Bande de pute tourna lentement la tête vers lui, son regard froid et acéré. « Monsieur Cornec, nous ne sommes pas ici pour traquer vos adolescents chapardeurs de l'un de jardin. Il s'agit de la mocromafia et d'un criminel du calibre de Mouloud Mansouri. Dans ce genre de situation, il n'y a pas de place pour l'approximation. » Le ton était tranchant, laissant Cornec sans voix, mais pas moins inquiet face à l'ampleur de l'intervention. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison attenante au garage, Jacques Fouillot, encore en pyjama de flanelle rayée, robe de chambre en velours bordeaux, impeccablement ceinturé, fut tiré de son sommeil par des coups retentissants à la porte. Les yeux gonflés, les cheveux en bataille, il ouvrit la porte de son domicile avec une expression oscillant entre la colère et l'inquiétude. « Monsieur Fouillot, nous avons un mandat de perquisition, » annonça un agent en lui tendant le document avec un professionnalisme glacial. « Un mandat, à 7 heures ? Mais vous êtes complètement fou, » protesta Fouillot, le ton déjà monté d'une octave. Escorté jusqu'au garage en charentaise, le maire, incrédule, observait les agents et les chiens cynophiles se disperser méthodiquement dans son précieux atelier. La tension montait à chaque instant, et en quelques minutes, un jeune berger belge commença à aboyer frénétiquement près d'une pile de pneus. « Ici, fouillez !» ordonna Brandepute, les bras croisés, son regard fixé sur la scène. Les découvertes ne tardèrent pas. Une plaquette de résine soigneusement dissimulée fut extraite de la pile de pneus, suivie de sachets de bouddha bleu nichés dans un placard, et pour couronner le tout, quelques cristaux de PTC savamment cachés dans une boîte de boulon. À chaque trouvaille, les chiens, comme galvanisés par leur succès, redoublaient d'aboiements, apportant une note presque absurde à l'atmosphère tendue. Pendant ce temps, dans la maison, une autre équipe trouva une enveloppe contenant 10 000 euros en petites coupures, soigneusement rangée dans la poche intérieure d'un des costumes de l'édile. Les preuves, méthodiquement répertoriées, furent alignées sur une table improvisée devant le garage, donnant à la scène des allures de saisie hollywoodienne. Fouillot, escorté jusque dans le garage par 2 agents, oscillait entre incrédulité et indignation. « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je n'ai jamais vu ces trucs de ma vie » protesta-t-il, les yeux écarquillés. Bande de pute, imperturbable, s'approcha lentement, son regard perçant braqué sur le maire. « Vous faites une grave erreur. Ces preuves sont des fabrications grossières. Vous vous ridiculisez devant tout Belém !» ajouta Fouillot avec véhémence. Un sourire glacial étira les lèvres de Van de Put. « Vous nous prenez pour des imbéciles, monsieur Fouillot. Sachez que seuls les coupables aussi risqués. » Fouillot tenta de se défendre, sa voix tremblante trahissant sa panique. « Mais c'était juste un client, je ne savais rien de ces histoires. » Van de Put haussa un sourcil sceptique. « Un client, vraiment, ou plutôt un fournisseur. Vous acceptez souvent des valises pleines de billets en liquide, monsieur le maire ?» Le silence pesant qui suivit fut ponctué par le bruit des fouilles et les aboiements des chiens cynophiles. Après près d'une heure de perquisition, l'ordre d'exfiltration fut donné. Fouillot, menotté, fut escorté vers un fourgon d'Interpol sous les regards médusés de ses concitoyens. Rouge de colère et de honte, il vociférait. « Vous n'avez pas le droit. Je suis innocent. Je suis le maire !» Mais ses cris ne faisaient qu'attiser l'indignation ou les murmures moqueurs de la foule. « Et voilà !» murmure Van de Put pour lui-même, une prise parfaite, exécutée avec précision. Dans la foule, les murmures allaient bon train. « Je n'y crois pas, pas Jacques !» dit une vieille dame en serrant son cabas. « Pourquoi pas? Ce genre de type, c'est toujours trop beau pour être vrai !» rétorqua un homme, amer. « Moi, je vous dis qu'il a été piégé !» murmure un jeune mécanicien les bras croisés. Van de Put, calme et impassible, observait le chaos avec une froide satisfaction. Tout s'était déroulé exactement comme prévu. Les preuves, les photos soigneusement prises par Mathias Taburet et l'agitation grandissante rendaient les dénégations de Fouillot inutiles. Alertés par les gyrophares et le brouhaha, les habitants s'étaient massés derrière des barrières de sécurité improvisées, téléphone à la main, capturant chaque instant. À Belém, ce vendredi matin resterait gravé dans les mémoires. Le jour où le maire modèle s'était révélé, aux yeux de tous, comme le cerveau d'une vaste opération criminelle. La lumière tamisée du salon du manoir de la Herse enveloppait la pièce d'une intimité feutrée, accentuant l'atmosphère de triomphe qui régnait entre ses murs. Le baron Edmond, débordant de satisfaction et d'excitation, pose un journal plié sur la table basse. En une, un titre frappant, signé Marion Le Tac dans Ouest France, proclamait « Vaste coup de filet anti-stupéfiant, Interpol interpelle le maire de Belém ». Un sourire rayonnant aux lèvres, Edmond se dirigea vers le soi champagne. Avec l'assurance d'un homme convaincu d'être à 2 doigts de conquérir le monde, il versa 2 coupes, le liquide doré pétillant sous la lumière tamisée. « Un autre victoire, mon cher Victor » lança-t-il triomphant en levant sa coupe. Victor, impeccable dans son maintien, prit la sienne avec un sourire discret. Son toast, mesuré et presque détaché, contrastait avec l'euphorie débordante de son compagnon. Les bulles pétillaient doucement dans les verres, écho subtil du tumulte qui avait secoué Bellem ce matin-là. « Plus de problème pour composer ma liste, » reprit Edmond avec une vigueur renouvelée. « Entre les adjoints actuels, disent ne vouloir continuer qu'avec moi, ou Gérard, ce cher président du foot, qui m'annonce qu'il se verrait bien au sport à mes côtés finalement. Je me demande même si nous ne serons pas seuls en lice en mars. » Il éclata de rire, un rire franc, rempli de l'euphorie d'un homme qui sentait la victoire à portée de main. Victor trinqua sans mot dire, son sourire énigmatique dissimulant des pensées bien plus calculées. À ses yeux, cette situation n'avait rien de la divine intervention qu'Edmond se plaisait à invoquer. Non, c'était un jeu d'échecs méticuleusement orchestré où chaque pièce avait été déplacée avec soin. L'arrestation de Fouillot avait tout d'un coup de maître, un double coup même. Non seulement la gendarmerie classait désormais l'affaire du réseau de drogue comme résolue, mais le laboratoire clandestin de Victor tournait à plein régime, à l'abri de toute suspicion. Pourtant, une pensée persistante lui effleurait l'esprit. Les habitants de Bellem, dans leur indignation collective, semblaient prêts à élever Edmond au rang de sauveur. Mais que se passerait-il si un jour quelqu'un décidait de regarder de plus près, d'analyser les mouvements sur l'échiquier? Victor savait que la partie qu'il jouait était complexe. Plus le plan semblait parfait, plus il risquait de révéler une faille. Mais dans ce jeu du pouvoir, mieux valait avancer avec des pièces bien placées que de rester spectateur. Il balaya rapidement cette idée sombre. Edmond, de son côté, savourait déjà sa victoire à venir, l'air sûr de lui et l'enthousiasme débordant. « Et pour toi, Victor, tu te rends compte de ce que ça signifie ?» lança-t-il avec un enthousiasme presque enfantin. « Premier adjoint, conseiller départemental, l'avenir nous appartient, mon garçon. » Victor hocha doucement la tête, son regard se perdant un instant dans les reflets dorés de sa coupe. « Vous avez raison, baron, » murmura-t-il, toujours poli, « l'avenir se dégage. » Mais derrière ses yeux clairs, une réflexion plus sombre germait. S'il contrôlait aujourd'hui l'échiquier, il savait que les pièces en mouvement échappaient rarement à une dynamique imprévisible. La chute de Fouillot n'était qu'un début, un premier coup décisif dans une partie qu'il ne pourrait maîtriser indéfiniment. « Tu sembles pensif tout à coup, Victor, » observa Edmond, en croisant les jambes avec l'aisance d'un homme à qui tout sourit. Victor releva les yeux, affichant un sourire maîtrisé. « Je me demandais simplement si la Providence ne réserve pas toujours une part de surprise, » répondit-il d'un ton léger, presque amusé. Edmond haussa les épaules, balayant la remarque avec insouciance. « Oh, mon cher, ici, les gens aiment les choses simples. Un maire corrompu démasqué, un homme intègre pour le remplacer, c'est limpide. » Dans le silence qui suivit, Edmond vida sa coupe avec satisfaction. Victor, lui, acheva la dernière gorgée de champagne, son regard se perdant dans l'obscurité au-delà des fenêtres du manoir.